quand je suis obligé de quand je suis obligé de rencontrer quelqu'un, puis je peux pas perdre de temps avec la loi d'impression, je me sers du pouvoir de la connaissance. Quand je peux aller au restaurant, puis je sais que le gars, je sais pas moi, d'ailleurs, je peux donner l'exemple d'un événement qui est arrivé à Vancouver. Le président de la Banque Royale du Canada était là dans le restaurant. Je suis allé à table, j'ai parlé de sa belle-mère, j'ai parlé de toutes ses patentes. Je suis un peu content. Comme ça, c'est encore la loi d'impression, c'est le mec encore plus haut. C'est ça qui fait les mecs, la loi d'impression. Exactement. Ben. Une fois que tu en es servi, c'est qu'il ouais. Absolument se faire les deux. Oui. Quand tu crées une forme, tu dois être capable de la briser. Si tu as créé que tu n'es pas capable de briser, tu es prisonnier. Ouais. C'est exactement le cas des mecs. La brise, quoi, les mecs? Tu vas voir. Puis les scouts ont fait le bout de la brise. Même chose. Ils sont tous si dépendants d'un bout à l'autre de la brise. Exactement. Un homme libre est capable de créer une forme et de la briser. Il est libre. Mais c'est dur à comprendre ça psychologiquement. Parce que psychologiquement, on interprète toujours le rôle de la femme en relation avec l'émotivité qu'elle dégage. Exemple, tu vas au musée, tu vois une galante. Si je dis ça, pas de la merde, ça. Je crée une forme pour l'esprit de l'autre, pour créer une vibration. Ma petite fille, elle est trop petite. Fait qu'elle dit ça vaut pour être raison, papa. Elle me doit avoir me bague. Il dit, ça t'empêche pas d'apprécier le tableau, mais ça te fait faire ce que le salamandre va faire. Parce que quand t'es conscient, t'as pas besoin de forme pour apprécier comme ça. Tu sais si c'est un beau tableau ou si c'est plaisant. C'est un jeu de l'esprit. Mais faut que tu sois dans l'esprit. C'est une clé importante en moi. C'est très important, c'est pour un enfant. Je m'envoie une exposition peinture à Salle Bonaventure une fois. J'accroche le peigne et j'ai dit viens ici. Pas de même. J'accroche par là-bas. Puis bien polidant, je l'ai pris en dessous du bras. Tu sais, cavalièrement en dessous du bras. Puis, là, je suis amené un tableau, j'ai dit ça, c'est votre plus beau tableau. Puis là, j'ai tout parlé de son tableau. J'ai révélé des affaires dans son tableau qu'il avait vraiment vu, le gars, parce que les peintres, ils ne voyaient pas si fort. Ils sentent, mais ils ne voyaient pas. Il était absolument fasciné, le bonhomme. Il était content. J'ai parlé pendant une demi-heure de temps. Il était absolument content, il était ravi. Après ça, je suis parti. Puis j'ai envie de faire l'opposé. Puis la loi de la forme. Parce qu'éventuellement, tu vis dans la vie. Tu sais, on vit en vie. On vit pas rien que sur une île. Tu rencontres du monde, puis ce qui arrive, c'est ça qui est très intéressant. C'est que quand tu es dans la loi d'impression, quand tu es conscient, automatiquement, la vie devient bien fun parce que le monde, c'est toutes des marionnettes. Fait que tu fais ce que tu veux. Tu respectes tout le temps parce que tu es conscient. Mais tu fais tout ce que tu veux parce que les gens sont pas capables de comprendre ce que tu fais. Fait que toi, tu t'amuses. Mais comme tu t'amuses avec un aspect, eux autres, s'amusent avec toi. Tu leur fais plaisir, puis ils ne savent pas comment est-ce que tu leur fais plaisir, pourquoi, puis quelle est la dimension du plaisir. Fait que tout ça te fait un échange. C'est ça. C'est un autre mot, ça que j'emploie pas, manipulation, parce que ça fait fliquer tout le monde. La loi d'impression, c'est une loi de manipulation. C'est ça, respectueux, c'est une. Ça appartient aux gens qui comprennent cette loi-là. Mais quand je dis ça, parce que moi je suis psychologue, il y a du monde qui vont dire, bon, ben ça, ça y est, on va commencer à étudier la psychologie pour entrer en contact avec le monde, parce que le psychologue, c'est celui qui, sa job, c'est d'être en contact avec le monde. Alors qu'il ne faut pas être psychologue pour entrer en contact avec le monde, parce que si tu es psychologue supplémentaire, c'est là où c'est important d'être psychologue supplémentaire. Mais pas avoir les connaissances nécessairement de la psychologie intellectuelle.

La conscience, c'est de l'intelligence créative. Pas plus, pas moins. Là, j'en parlerai pas un jour, la conscience, parce qu'il commence à me fatiguer, ce mot-là. Parce que ça sent encore trop la conscience, spiritualité, pas mal. La conscience, c'est de l'intelligence créative et de la volonté. C'est ça, la conscience. Dans la conscience, il n'y a pas d'amour. D'abord, l'intelligence, là, c'est la lutte contre le clan des esprits. L'intelligence, c'est la lutte contre le clan des esprits. Exactement. Parce que, tu sais, quand on parle de... Oh, moi, c'est ça. Puis la lutte contre le clan des esprits, tu dis le clan des esprits, puis où est-ce qui se situe le clan des esprits, puis sur le plan astral? Eh oui, sur le plan astral, puis dans l'homme, sur le plan astral, c'est les mots des bonnes intentions. Il y a assez de monde qui ont des bonnes intentions, puis il y a des bonnes intentions, puis des bonnes idées. Puis l'intelligence, c'est la capacité de sortir les bonnes intentions du plan astral et de les matérialiser sur le plan concret. À partir du moment où il y a une bonne intention qui est restée ici, là, puis qui est restée là, là, ça ne m'a pas servi à personne, c'est une bonne intention, ça. Mais quand j'ai une intention que je suis capable de matérialiser concrètement dans l'immédiat, là, que je l'ai, cette bonne intention-là, il n'y a plus de forme de discours qui peut nous jouer là-dedans. Parce que, tu sais, quand on parle du plan des esprits, là, les esprits, les égos, puis j'aurai des égos, puis j'aurai des esprits qui me pénètrent dans la tête, qui jouent avec moi, là. Moi, dans l'homme, là, le plan des esprits, dans l'homme, là, ce sont ses bonnes intentions. Ou bien donc, ses mauvaises. Mais pour les gens spirituels, c'est des questions de bonnes intentions. C'est bien subtil ce que tu dis, t'sais. Parce que c'est exactement ce que c'est. Les bonnes intentions viennent du plan de des esprits. D'accord, mais il est bien loin que ça. Tout ce qui est lié à la bonne volonté dans l'homme, ça vient du camp des esprits. C'est pour ça que moi, il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, il dit que ça, carrément, qu'est-ce que c'est ce que l'homme. Comprends-tu? Parce que tout ce, qui est, tout ce que l'homme considère bonnes intentions, bonne volonté, je m'arrache dedans. Parce que tout ce qui compte pour moi, c'est l'intelligence. Puis l'intelligence. Ça, c'est bien. J'en reviens sur ça, parce que c'est bien important, ça. Je ne l'ai jamais expliqué de même. Que les bonnes intentions viennent du camp des esprits. Ceux qui comprennent ça, là, c'est une clé fantastique. C'est le parasite. C'est le parasite. C'est le parasite de... C'est clairement comment ça empêche... Le développement de l'intelligence de la volonté. C'est pas ça. Ça empêche ça, ça paralyse l'homme, ça l'empêche de produire sur le plan matériel concret. Non, oui, c'est ça. Ça empêche d'avoir fait l'intelligence. Donc, ça dépend de la définition qu'on donne de bonnes intentions. Si tu dis une bonne intention, en sens... Quelle que soit la définition que tu y donnes. Quelle que soit. Quelle que soit. Moi, j'en ai... Moi, ça n'existe même pas avec moi des bonnes intentions. J'en ai pas les bonnes intentions. Non, mais bien vivre, c'est une bonne intention, non. Ça? Bien vivre, c'est... Bien vivre, c'est une façon de vivre intelligente. Différent. Ouais, quand tu fumes, t'as pas la bonne intention d'arrêter de fumer. C'est ça. Bonne intention. Ça, c'est subtil. Je vais en parler, je vais faire le cassette. Les bonnes intentions. C'est pour ça, je vais vous dire une chose à part ça. C'est pour ça que c'est bien important qu'on parle. Parce que c'est un qu'en parlant qu'on apprend. C'est un en parlant qu'on apprend. On peut pas apprendre sans parler. Les bonnes intentions, là, c'est ce qui garde les relations émotives avec les gens. Hey, je suis allé à la banque, de toi, je suis allé à la banque. J'ai appris à écrire. Le gérant de banque, il dit de mettre là. La loi des pressions. J'ai dit, abrez-vous. Il dit, non, avec trop bête. Oh non! C'est ce que j'ai fait. J'ai le lien, puis j'allais m'en acheter un autre. C'est stupide d'avoir l'impression. Fait que j'ai fait le lien avec moi qui est dans le bar. Fait que tu comprends que si je vais en banque, puis j'envoie plus d'argent, j'ai mal à l'aise. C'est ça, mes gens. Si t'es conscient, j'aurais pas besoin de donner la pluie. C'est la vérité, maintenant, on reste tout, on va s'arranger. Mais sois pas conscient, t'es tout juste à servir de l'intérêt. J'ai donné, je m'en ai fait. On est champions. C'est beau, mes petites malades. Hé, on va-tu manger, mais vite, j'ai fait.